Non mais stop, stop, stop, les gars. Ça vient de moi, là, ou c'est encore plus de la merde que d'habitude? Ouais, t'arrêtes, tu déconnes. Non, mais là, c'est pas possible. Eh, reviens, merde.